va parler de la condition étudiante avec Laurence Beauvin, étudiante en musique ici au Cégep et qui est très impliquée aussi au syndicat étudiant. Je lui passe le micro. Bonjour. Dans le fond, nous, en tant qu'étudiants, on a souvent tendance à dire que l'austérité, ça nous touche moins. Mais c'est une affirmation qui est très fausse parce que l'austérité, ça touche autant les étudiants, ça touche tout le monde. L'austérité, personne n'y échappe. Donc, comme je savais que j'avais pas un très gros laps de temps, ben j'ai séparé mon petit truc en quelques catégories. Puis je vais nommer, dans le fond, des effets concrets dans chacune des catégories. Donc, je vais parler effectivement des frais de scolarité, des emplois, de la réalité des étudiants et étudiantes et des conditions de vie des étudiants et étudiantes face aux mesures d'austérité. Donc, je vais commencer par les frais de scolarité. On en parle depuis toujours et en 2012, on sait, ça a fait beaucoup de bruit, les frais de scolarité. Et même si on n'associe pas directement l'austérité à ça, ça a un gros lien. Donc, dans le fond, vous êtes sûrement au courant qu'il y a eu des grosses coupes au niveau des cégeps et des universités. Et dans les cégeps, il y a eu 41 millions de coupes faites en argent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les administrations des cégeps sont obligées de augmenter nos frais afférents et de couper dans nos services pour pouvoir subir les coupures dans le fond que le gouvernement oblige. À Marie-Victorin, par exemple, à partir de la prochaine session, les frais afférents vont augmenter de 2 $ par étudiant. Quand on dit ça comme ça, 2 $ par étudiant, ça n'a pas l'air de beaucoup. Mais dites-vous que pour des étudiants qui ont déjà de la difficulté à payer leurs frais de scolarité, 2 $ de plus, et on met ça sur aussi des années, c'est pas la première fois que ça va augmenter, ben c'est nous qui en payons le prix, et ça fait que les étudiants ont, comme d'habitude, moins d'argent dans leur poche. Du côté aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y avait un accord qui avait été fait entre la France et le Québec, comme quoi les étudiants français, quand ils venaient étudier au Québec, ça leur coûtait pas le même prix que pour un étudiant hors Québec. Dans le fond, normalement, quand tu n'es pas étudiant au Québec et que tu veux venir étudier à l'université, ça coûte environ 6 600 $ par année, alors que nous, ça nous coûte environ 2 200 $, comme pour les Français. Mais la semaine passée, ils ont eu des discussions là-dessus et tout ça, et le gouvernement Couillard a décidé de lever, dans le fond, cette entente-là. Donc, pour les Français, maintenant, ça va leur coûter 3 fois plus cher. Ça va passer de 2 200 à 6 600, comme tous les étudiants hors Québec payent. Et ça, ce que ça fait, bien, ça a un gros impact, parce que ça empêche peut-être des gens de l'étranger de venir ici, qui voudraient s'intégrer à notre culture par le biais des études postsecondaires. Et vu la somme faramineuse des prix qu'ils vont devoir payer, bien, il va y avoir moins de gens de l'extérieur qui vont venir étudier ici. Donc, c'est vraiment pas une bonne chose. Également, le gouvernement veut aussi augmenter, de pas beaucoup, mais tout de même, le montant des prêts qu'ils font aux étudiants pour les prêts et bourses. Dans le fond, ça, ce que ça fait, c'est que quand tu es à l'université ou au cégep, on a le droit à des prêts et bourses. Bien, eux, ils veulent augmenter le prix du prêt. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que les étudiants empruntent plus, donc ont plus de difficultés à rembourser. Donc, en bout de ligne, pour ce qui est des frais de scolarité, on paye toujours plus, on est plus endetté. Et alors, lorsqu'on est concilié travail-études, je suis sûre que tout le monde ici peut en témoigner. C'est pas très facile, donc ça devient très difficile. Pour ce qui est plus des emplois, ben ça, c'est pas très compliqué à dire. On s'entend qu'avec toutes les coupures de postes qui sont faites présentement dans tous les domaines, ben ça signifie quoi pour nous? Ça signifie qu'à la fin, avec notre diplôme, on va avoir de la difficulté à s'en trouver des emplois. Ils ont fait des coupes énormes, comme Madame le dit, dans le domaine de la santé. Ça veut dire que les infirmières qui vont sortir avec leur diplôme, ben ils vont avoir de la misère à se placer. Puis quand t'as pas d'emploi, ben malheureusement, tu fais pas d'argent, tu peux pas rembourser tes dettes d'études. C'est un cercle vicieux, dans le fond. Même chose pour les CPE. Il y en a parlé tantôt, il y a un gel dans le fond d'engagement dans les CPE parce qu'il n'y a plus de nouvelles places dans les CPE. Donc, toutes les personnes qui sortent de la technique d'éducation à l'enfance, ça va être difficile de se trouver des emplois. Puis ça, c'est des conséquences directes sur nous qui sont maintenant. C'est pas plus tard que ça va se produire, c'est maintenant. Pour ce qui est de la réalité, dans le fond, des étudiants, bien, comme on n'arrête pas de prononcer le mot coupe tout le temps, bien, on le sait, il y a beaucoup de coupures de postes. Qu'est-ce que ça entraîne comme réalité? C'est que si dans ta famille, ton père, ta mère s'est fait couper son emploi, bien toi, en tant qu'étudiant adulte, tu as un peu la responsabilité d'aller travailler pour aider tes parents à payer à la maison. Fait que ça fait quoi? Ça fait que ça encourage pratiquement les étudiants et étudiantes à stopper leurs études pour aller sur le marché du travail plus rapidement pour pouvoir aider leurs parents à payer à cause des coupes d'emplois qui sont faites dans le fond, parce que quand les parents peuvent pas payer adéquatement tout ce qu'il y a à payer, ben c'est nous les étudiants qu'il faut qu'aident nos parents à payer, c'est une chose normale, mais ça brime un peu notre droit qu'on a d'aller aux études, parce que si le climat familial va pas bien, ben le climat à l'école va pas bien, vous comprenez? De plus, une autre réalité qui nous touche, c'est qu'il y a beaucoup de coupures qui ont été faites dans les universités. Il y a 172 millions qui ont été coupés dans les universités. Et ça fait quoi? Ça fait qu'il y a plusieurs universités, comme l'Université de Montréal, qui sont obligées d'abolir complètement des cours. Ça veut dire que c'est moins de possibilités pour nous d'étudier dans ce qu'on veut. Il y a beaucoup de coupes de cours qui ont été faites, de coupes de charges de cours. Et ça fait que c'est moins de domaines pour nous, dans le fond, pour poursuivre nos études postsecondaires. Côté plus des conditions de vie, on va parler surtout des parents étudiants. Vous savez, les frais en garderie, on en a parlé tantôt, vont beaucoup augmenter. Et quand les frais de garderie augmentent, si t'es un parent étudiant et que t'as pas les moyens de mettre ton enfant en garderie, ben t'es obligé de le garder à la maison. Et dans ce cas-là, tu peux pas poursuivre tes études. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça qui font en sorte que ça brime notre droit d'avoir notre éducation, puis ça nous empêche d'obtenir notre éducation parce qu'à un moment donné, l'argent, ça prime surtout, puis veut pas, on peut un peu vivre au-dessus de nos moyens avec le crédit, mais ça finit toujours mal, cette histoire-là. De plus, il y a une énorme baisse de services dans les établissements, soit collégiaux, universitaires, puis les principales personnes que ça touche, bien, c'est les personnes avec les handicaps, les parents étudiants et les personnes les plus démunies. Donc, on l'a dit tantôt, il y a moins d'infirmières, donc les services pour les personnes handicapées, on est obligé de couper là-dedans parce que ça coûte cher, même si c'est important, les gens n'ont pas vraiment l'air de s'en rendre compte, et d'après moi, le gouvernement se ferme les yeux par rapport à ça, et c'est vraiment pas le fun. Puis la dernière chose, dans le fond, que je veux parler pour la réalité des étudiants, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vivent pas à la maison, qui vivent en appartement. Et on va faire un petit calcul rapide. Si on prend un étudiant qui vit en appartement, donc qui doit subvenir seul à des besoins, et que 70% de son revenu environ va sur son loyer, parce qu'on s'entend qu'en étudiant, on fait pas 70 000 par année, fait que l'argent qu'on met la plupart du temps, c'est pour payer notre loyer, que 5% de notre argent va sur le transport, parce qu'évidemment, il faut y aller à l'école, donc on a besoin de notre petite carte Opus, qui d'ailleurs, les prix ont été augmentés là-dedans aussi, que 15% de notre revenu va sur l'Hydro-Québec et l'électricité, parce que sans électricité, on peut pas les faire, nos travaux, ça nous prend Internet, et que 15% va également pour les paiements de frais de scolarité. Si vous avez fait le calcul, on est déjà dans le rouge de 5% sur notre budget, puis là-dessus, j'ai même pas parlé d'épicerie, de vêtements et de toutes les autres commodités dont on a besoin. Fait que l'austérité, ça nous touche aussi, nous les étudiants, comme ça touche tout le monde dans tous les domaines, parce que quand on a moins d'argent, ben la qualité de vie baisse malheureusement et on peut pas s'en échapper. C'est d'ailleurs pour ça que la mobilisation est vraiment très importante. Et je tiens à souligner, on a appris ce midi qu'avec le syndicat étudiant, dans le fond, on avait fait circuler une pétition pour obtenir une assemblée générale spéciale de grève pour pouvoir discuter de la grève, parce que à la dernière assemblée générale, notre proposition pour tenir une assemblée n'avait pas passé à la majorité, et on a le nombre de signatures que ça prend pour pouvoir avoir notre assemblée générale de grève. Donc on va pouvoir s'en parler de notre mobilisation et des actions qui sont prises pour contrer les mesures d'austérité du gouvernement Couillard. Merci.